L'ambiance. Fuck un colon portugais, des terres pour le bois, le sucre et l'or. Haricots, farine, riz et porc. Tu veux l'éducation, c'est mort. Zéro fair play, nous c'est sérieux, m'appelle pas pour un match amical. Tu nous as vu courir tout droit, fond par terre comme Erika Vidal. T'as pas compris, c'est tous des hystériques, pas dialogue d'aboutissement. Bravo mes applaudissements, merci Arthur pour l'abrutissement. Je veux la bouteille de Jiraya, tu baves devant des lotissements. C'est pas le carnaval, pourtant je vois beaucoup de déguisements. Je lis en eux comme PHP, très peu de logique, c'est tous des bots. Je connais les clés du JJB, enculé, tu veux me fermer la porte. Toc toc, Thomas. Même en Havaianas, je les bottes. T'as un tirage au flop, tu peux follow, t'as pas la cote. T'as percé, t'as pas le tempo, le rap c'est facile, pas flamenco. Ronaldo, Zidane, Nkampo, un coquet, un vautour du flamenco. Tô muito duro por enquanto, posso te machucar xingando. Não me escutaram no Brasil, agora o bicho tá pegando. Oseille, discipline de Rocky, frère pas tout chou, avale un low kick. Minuit bientôt, j'te fais pas de croquis, incompris comme si j'étais floqué. On fait rien sans thune, ça, on savait, soit ils sont contre, soit ils sont avec. Le temps passe, on est tous des bons, hantés par le mal qu'on a fait. Ferme les yeux comme bonne nuit, ferme les yeux parce que c'est plus simple. J'ai compris d'où me vient cette rage, j'ai la force de 5 dans un corps de cintre. Kuba libré comme si c'est pas grave, ça boule up en enfer en légende. Damier bleu et blanc sur les jantes, elle est super bonne mais qu'est-ce qu'elle est chiante. C'est jamais l'inconnu qui va te crasser, maintenant c'est maintenant, maintenant c'est le passé. Elle a l'ouverture des jambes facile parce que son cœur il est cadenassé. Dégradé fin comme Zizou, pas de bisous bitch, tu vaux pas 10 sous. Rap français comme 10 sous, j'm'arrête quand j'ai qui t'as de pixou. Dans les frangins que des ouf, ouf. Toi ton équipe c'est pouf, souffle. Elle a le queer le plus controversé, frère, franchement ça m'épouse tous. Je vais pas m'excuser d'être blanc, mais y'a quand même une putain de blague. Même avec une croix gammée sur le front, j'serais mieux accueilli qu'un frère black. Ces putains ne me surprennent plus, j'ai déjà tout vu avant que tu le fasses. T'as peur de tomber, moi de faire du surplace. T'as peur de tomber, moi de faire du surplace. Fuck fuck tes triples pronoms, à ce prix-là, tu vas m'appeler mon seigneur. Tu vas pas me casser les couilles parce que t'as mis les tiennes dans un Erlen meilleur. Oseille, discipline de Rocky, frère, pas tout chou, avale un low kick. Minuit bientôt, j'te fais pas de croquis, incompris comme si j'étais flow. On fait rien sans thune, ça, on savait, soit ils sont contre, soit ils sont avec. Le temps passe, on est tous des bons, hantés par le mal qu'on a fait. Oseille, discipline de Rocky, frère, pas tout chou, avale un low kick. Minuit bientôt, j'te fais pas de croquis, incompris comme si j'étais flow. On fait rien sans thune, ça, on savait, soit ils sont contre, soit ils sont avec. Le temps passe, on est tous des bons, hantés par le mal qu'on a fait.